cette table ronde. Un petit texte de présentation, de cadrage un petit peu qu'on avait défini collectivement quand on avait réfléchi au sein du conseil d'administration à ce thème de l'histoire immédiate, l'histoire du temps présent. Donc l'histoire immédiate, l'histoire du temps présent, de façon de définir un temps historiographique singulier, caractérisé par une tension constitutive, c'est de ménager une compréhension particulière du pré-contemporain avec les outils et méthodes de l'histoire. La HCVSR a souhaité proposer une rencontre autour de cette manière d'écrire l'histoire qui affronte un ensemble de problèmes particuliers, en tout cas plus immédiatement à vif que pour les périodes plus anciennes. Pour reprendre les suggestions d'Henri Rousseau dans son ouvrage La dernière catastrophe, l'histoire du pré-contemporain représente un lieu d'affrontement entre la mémoire et l'histoire, le discours des témoins et le savoir de l'historien, la subjectivité et l'objectivité, la distance et la proximité. Des contradictions sans doute fécondes qui ont modelé la façon dont s'écrit l'histoire immédiate ou l'histoire du temps présent. À quoi s'ajoutent des questions spécifiques de méthode, liées par exemple à la nature des sources et à leur disponibilité, à la fermeture relative des archives, répond la possibilité d'une histoire orale, un exemple parmi d'autres. Associées à la concurrence possible de la sociologie, de l'économie, de la science politique ou de l'anthropologie, ces tensions, ces problèmes, ces contradictions, on a guère interrogé la légitimité même de ces approches d'histoire immédiate et d'histoire du temps présent et questionné leur place à l'intérieur de l'histoire contemporaine. C'est le problème dont nous avons voulu nous saisir aujourd'hui, comment intégrer à une histoire contemporaine qui commencerait avec l'époque des révolutions et s'achèverait dans les années 80, comment articuler donc cette histoire à une histoire beaucoup plus récente, une histoire des années 90 et postérieure, qui elle-même tend aujourd'hui à se diviser de plus en plus en sous-périodes. Nous avons souhaité privilégier cette approche chronologique qui cache une inquiétude épistémologique et proposer quelques pistes qui apparaissent dans le message que nous vous avons envoyé. Premièrement, l'histoire immédiate est-elle aujourd'hui admise comme partie intégrante de l'histoire contemporaine? En particulier, une thèse qui va jusqu'à nos jours, voire qui relève de l'histoire immédiate, est-elle aujourd'hui totalement légitime? Le point de rupture entre histoire contemporaine et histoire immédiate varie selon les domaines, histoire économique, sociale, culturelle, militaire, politique, selon les régions du monde considérées, selon les historiographies nationales. Qu'est-ce qui peut expliquer ces différences? Comment les comparer? C'est le deuxième point. La troisième question interroge une histoire immédiate qui est confrontée de manière particulière à la question des archives, la question des sources. Le présent de l'historien est bien souvent défini par les délais d'accessibilité des archives publiques. Les évolutions législatives modifient-elles le périmètre de l'histoire immédiate? C'est une question technique qui a des conséquences plus directement épistémologiques. Enfin, la question de l'histoire immédiate rejoint celle de l'état de la collaboration avec d'autres sciences humaines et sociales, sociologie, géographie, sciences politiques, anthropologie, etc., qui travaillent en priorité sur le présent, mais investissent aussi un passé plus ou moins lointain. C'est vrai aussi pour d'autres métiers, comme le journalisme, par exemple. Concurrence, évidemment, avec ce regard-là. L'appel répété à l'interdisciplinarité, le relatif rapprochement entre les disciplines, offre-t-il des possibilités pour le développement de l'histoire immédiate, ou assiste-t-on plutôt à une répartition des périodes entre disciplines? Il y a également une question qui concerne l'enseignement secondaire. Hein, la pédagogie qui s'appuie souvent sur l'histoire très, très, très contemporaine pour faire retour vers le passé. Qu'en est-il dans le supérieur et notamment en premier cycle? Comment préparer les candidates et les candidats au concours à cette pédagogie en évitant l'écueil du présentisme? Et enfin, dernier point, poser cette question, peut-être une façon de reposer celle de la place de l'historien dans le débat public. Ici en jeu la capacité des historiens à transmettre le sens de l'historicité de la période dont nous sommes contemporains. Et pour répondre à ces questions, nous avons invité aujourd'hui quatre conférenciers que nous remercions très chaleureusement et qui vont peut-être se présenter. Peut-être je peux en dire un mot. On a le même texte, donc je te cède la parole, je ne vais pas être impérialiste dans la présentation. Alors, donc, je vais vous présenter les quatre conférenciers. Nous n'avons pas fait de classement particulier de leur présentation, donc on fera une présentation par ordre alphabétique. Donc, première personne qui commencera sa présentation, Madame Anne Boitel, qui est docteure de l'Université d'Aix-Marseille et qui a soutenu une thèse récemment, en 2016, sur les camps de réfugiés, qui va nous parler de la problématique qu'elle a rencontrée sur la question de l'histoire immédiate dans le travail qu'elle a fait autour de la CIMAD. Et on verra la question de la problématique de où arrêter sa thèse, qui a été véritablement un de ses problèmes. Ensuite, une présentation qui nous sera faite par Madame Françoise Bosset, directeure d'études à l'EHESS, et qui est spécialiste des problématiques sur la Russie et qui va aborder en fait les problématiques de la Russie post-soviétique. Donc on est dans le très contemporain également. Troisième personne invitée, Armel Lenders, professeur à l'Université de Paris 8, qui est spécialiste de l'Amérique du Sud et qui va nous parler de la rédaction de son dernier ouvrage sur une histoire du Brésil jusqu'à nos jours, qui a été rédigé récemment et où il a été question en fait de prendre en compte ou non une crise récente au Brésil. Et puis notre dernier invité, Monsieur Jalabert, Laurent Jalabert, qui est professeur à l'Université de Pau et qui nous proposera en fait sa vision de l'histoire immédiate à travers son expérience de la rédaction des cahiers de l'histoire immédiate. Donc l'idée, le principe de la séquence, c'est que chacune des personnes ici présentes propose sa vision de l'histoire immédiate et puis qu'ensuite on puisse avoir un discours collectif avec la fin. Voilà. Alors on va laisser la parole à Madame Boitel pour une présentation de sa thèse. Je vous remercie beaucoup.